Dans notre monde moderne, il est important de parler plusieurs langues étrangères. À qui le dis-tu ? J'essaye de convaincre mes enfants de bien connaître au moins deux langues. C'est certain qu'il faut encourager les jeunes dans ce sens, mais je reconnais que c'est pas toujours facile dans la pratique.